Chapitre 3e. En arrivant au dépôt, Schmetterlin avait composé et appris par cœur sa harangue. Quelque chose de carré, de positif, de bref, car on ne parle pas à un vieux loup de mer comme à un attaché d'ambassade. Grâce à ses hautes relations, il avait obtenu de voir sans témoin l'individu arrêté la veille. Le vieux loup de mer qu'on amena en sa présence, quand il eut exhibé l'ordre de la préfecture, ressemblait plutôt à un vagabond de faubourg, avec son teint plombé, sa chevelure inculte, ses vêtements boueux et déchirés. « Je ne me le figurais pas ainsi, » pensa le baron, tout en dévisageant son homme. Ils étaient seuls. Les municipaux ne comptent pas, séparés par une large table. « Monsieur, » commença ex abrupto le financier, « je suis le baron Schmetterlin. » L'accusé, qui se croyait devant un magistrat, fit une grimace significative. Touché du premier coup, songea le vidocq amateur. Puis, après avoir, durant une longue minute, tenu sous son regard le pauvre Déristal, qui aurait donné alors six baronnes pour être tranquillement chez lui, rue de Marignan, Schmetterlin s'exprima en ces termes. « Vous êtes dans mes mains, et je pourrais vous envoyer aux galères. Ne niez pas, capitaine, j'ai vos lettres, et vous avez été pris en flagrant délit. »« Ah non, par exemple !» protesta Déristal, qui n'avait pas même cette consolation. « Laissez-moi parler sans m'interrompre, c'est votre intérêt. Je ne veux pas vous perdre. Si j'ai tenu à vous entretenir cela seul, c'est qu'il nous importe à tous deux que tout ceci reste ignoré. Les gens de votre profession n'aiment pas de longues phrases. J'irai donc, comme vous dites vous autres, toute voile dehors et sans le voyer. Avez-vous apporté les documents que vous prétendez me vendre si cher ?» Déristal, qu'un ahurissement immense commençait à gagner, fit signe que non. « Mais, monsieur, continua le banquier, je ne puis rien faire alors. Ne croyez pas toutefois que je consente à aller jusqu'à 10 000 francs. La moitié, c'est tout ce que je puis donner, et vous auriez tort de ne pas accepter. C'est un résultat inespéré pour vous. Monsieur, pour qui me prenez-vous ? Hurla le vicomte, qui croyait qu'on voulait lui racheter les lettres de la belle Clotilde, et qui n'en avait d'ailleurs jamais reçu une seule, car la dame se gardait bien d'écrire. Mais enfin, monsieur, je pourrais ne pas vous donner un sou. Vous n'avez aucun droit. Et vous vous êtes conduit en tout ceci comme un simple malfaiteur. Est-ce ma faute si les choses n'ont pas tourné comme vous le désiriez? J'y perds plus que vous, monsieur, et si tout le monde suivait votre exemple, je vous prie de me dire ce que je deviendrais. Voyons, capitaine, avez-vous jamais fait naufrage? Jamais, répondit avec fermeté Déristal, qui comptait, pour tous états de service maritime, une traversée de France en Angleterre et retour. Enfin, cela aurait pu vous arriver comme à beaucoup de vos collègues. Qu'eussiez-vous dit alors si les gens que vous avez confiés à leurs marchandises vous avaient rendu responsable? Est-ce ma faute à moi si la Chine se met à la traverse de vos espérances? Monsieur, répondait le vicomte, qui sentait sa raison partir, je suis dans vos mains, comme vous l'avez dit, mais vous en abusez. Finissons cet entretien qui ne mène à rien et faites-moi reconduire en prison. J'aime mieux cela. C'est vous qui aurez voulu le scandale. Le gaillard est fort, pensa Schmetterlin, qui reprit tout haut. « Eh bien, vous aurez vos 10 000 francs. Mais vous n'êtes pas raisonnable. Seulement, vous savez, argent contre titre. Arrangez-vous pour les présenter à ma caisse et n'oubliez pas qu'à la moindre indiscrétion de votre part, il n'y a plus rien de fait. Je retire ma plainte. Dans une heure, vous serez libre. Ne perdez pas une minute pour en finir. Seulement, laissez-moi vous le dire, capitaine. Vous êtes entré dans une voie fatale, et si vous aviez eu affaire à un autre qu'à moi. Mais vous n'avez pas l'air mauvais, au fond. Au revoir. » Les 10 000 francs vous attendent, mais si le moindre journal souffle un mot, je reprends les poursuites. Schmetterlin rentra à Ville d'Avray pour déjeuner. Les portes fermées, il raconta son expédition à la baronne, qui lui fit répéter, mot pour mot, toute l'histoire et prit le signalement du prétendu Corse. À 2 heures, le baron partit pour ses bureaux. Par le train suivant, Clotilde se rendit à Paris et tomba comme une bombe soigneusement voilée, dans un charmant rez-de-chaussée de la rue de Marignan, où Déristal, à peine descendu du fiacre qu'il avait ramené, essayait vainement de se reconnaître devant une glace. « Ah, Clotilde » s'écria-t-il en se jetant aux genoux de son amie. « Ne me touchez pas, » dit-elle. « Vous avez l'air d'un rôdeur de barrière. Tout est fini entre nous. Vous êtes un imbécile, vous êtes tous des imbéciles. Heureusement. Voyons, sortez de votre ahurissement pour 5 minutes et dites-moi ce qui s'est passé ce matin. » Ah. Si vous pouvez y comprendre quelque chose. Votre mari est venu, il m'a appelé capitaine, m'a parlé de la Chine et m'a offert 10 000 francs. Mais vous pensez bien, Clotilde? Je pense que j'étais folle le jour où, Enfin, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on vous a pris pour un autre, et que tout peut être perdu si cet autre paraît maintenant. Vous allez donc partir ce soir pour Marseille. Vous y serez demain à 11 heures. Le bateau de la Corse démarre après-midi. Vous irez à Corte, de là à Valferrato. Vous demanderez le capitaine Paoletti. Vous lui direz que vous lui apportez 10 000 francs de la part du baron Schmetterlin contre ses 20 actions des pétroles du Tonkin. Vous lui remettrez l'argent et vous me rapporterez les titres. Cela vous donnera l'occasion de me voir une dernière fois. Allez, monsieur, ne cherchez pas à comprendre, ce serait trop long. Vous êtes gentilhomme, vous m'obéirez sans explication. Il y va de mon honneur, de ma fortune et de ma vie. » L'infortuné d'Héristal ne pouvait qu'obéir. Il prit 10 000 francs avec lui. Il passa une nuit en express après avoir passé la précédente en cellule. Il trouva Valferrato et le capitaine Paoletti, qui n'était en somme qu'un patron de barque ayant ramassé quelques sous à faire la contrebande et d'autres métiers pires. Celui-ci tomba de son haut quand un Parisien, se disant envoyé par la maison Schmetterlin, se présenta chez lui pour acheter au prix coûtant ses 20 titres des pétroles. Il hésita même quelque peu à les livrer, se demandant si la hausse n'était pas survenue et si ce n'était pas lui maintenant qui faisait la mauvaise affaire. « Ma foi, se disait-il, je ne comprends pas comment tant de gens se ruinent en mauvais placement puisqu'en montrant les dents, il est si facile de faire casquer les banquiers parisiens. » D'Héristal, enfin, rentra chez lui et n'attendit pas longtemps la visite de la baronne. Elle arriva, fort pressée, lui tendit 2 doigts, refusa de s'asseoir et demanda les actions Paoletti. Elle les compta, les vérifia, en fit une boule qu'elle plaça dans la cheminée et, frottant une allumette, s'apprêta à y mettre le feu comme un vulgaire margotin. « Mais, observa timidement D'Héristal, vous savez qu'il y en a là pour 500 louis. Après tout, votre mari a promis de payer, et peut-être qu'en présentant ses titres à sa caisse. D'ailleurs, il serait temps de m'expliquer. Mon mari, je le connais. Il recevra poliment vos papiers, et ensuite, tranquillement de ce côté, il vous fera mettre la main au collet. Cette fois, on ne vous lâchera plus si facilement. Non, mon cher. J'estime que mon repos vaut bien 10 000 francs, et je suppose d'ailleurs que... vous ne regretterez pas votre argent. Adieu. Et si jamais le hasard nous fait rencontrer quelque part, soyez moins maladroit que vous ne l'avez été l'autre jour. » Les titres bien et dûment incinérés, la belle Clotilde s'envola, et D'Héristal, affaissé dans un fauteuil, prit une feuille de papier où il traça, avec beaucoup de philosophie, les lignes suivantes. Avant, bouquet, bonbon, bibelot, loge, etc., 6 000 francs. À la quête du Continental, 1 000 francs. Pendant, un dîner chez Bignon, 150 francs. Après, voyage en Corse, 500 francs. À Paoletti, espèces, 10 000 francs. Total. Un homme qui se dit jardinier à Ville-d'Avray demande à parler à monsieur le vicomte, dit le valet de chambre au moment où Gontran allait faire la somme. Faites entrer, ordonna Gontran, la plume en l'air, car il entrevoya un nouvel article à passer. Le jardinier du baron Schmetterlin entra en saluant très bas. « Monsieur le vicomte, » dit-il avec l'aisance d'un homme qui s'entend aux affaires, « mon fils s'en va sur ses 12 ans et je voudrais le mettre au collège. Mais il faut beaucoup d'argent pour cela et nous ne sommes pas riches. Ma femme, qui est femme de chambre de madame la baronne, m'a conseillé de m'adresser à monsieur le vicomte. Une avance d'1 000 000 francs nous obligerait infiniment pour le quart d'heure. Par la même occasion, je rapporte ceci à monsieur le vicomte. » Et l'homme, ouvrant un panier qu'il avait au bras, en tira un débris que D'Héristal reconnut au premier coup d'œil pour le chapeau qu'il avait laissé sur le champ de bataille. « Vous êtes une canaille, » dit-il en ouvrant son tiroir, « mais vous êtes le seul homme qui ait montré de l'intelligence dans l'occasion. Et si vous comprenez quelque chose à toute cette affaire, vous avez plus de chance que moi. » Le jardinier s'en alla parfaitement calme. Gontran reprit son addition et écrivit à la suite « Un chapeau, 1 000 francs. » Total, 17 750 francs. Mettons 18 000 en chiffres ronds. Décidément, tout ça, c'est des bêtises. Et encore, j'ai failli passer devant le jury, et je ne sais même pas pourquoi je suis allé en Corse. Il songea longtemps et fort mélancoliquement, puis, mettant son addition de côté, il prit une autre feuille et écrivit la lettre suivante. « Ma chère tante, depuis 3 mois, je n'ai cessé de réfléchir à vos sages conseils. Certes, le mariage est une chose grave, et que j'envisage sans enthousiasme quant à présent. Mais j'ai 32 ans, je me sens devenir sérieux, Et si tout ce que vous m'avez dit de la personne, des qualités et de la dot de mademoiselle... Allons bon, j'ai oublié son nom, dit Gontran en posant sa plume. Il faut croire qu'il l'a retrouvée, car 2 mois plus tard, le mariage avait lieu. Ville d'Avray aurait été sa dernière campagne. Léon de Tinsault.